Leçon 2, B. Où est Minnie ? Minnie ! Minnie ! Salut Isabelle, ça va ? Oui, oui, ça va. Mais je cherche Minnie. Elle est dans l'appartement. Qui est Minnie ? C'est une souris. Tu joues avec une souris ? Oui, j'aime Minnie. Et alors ? Tu cherches Minnie avec moi ? D'accord. Cherche dans la salle de bain. Moi, je regarde dans la salle de séjour. Minnie ! Minnie ! Minnie ! Minnie ! Isabelle ? Entre. Bonjour, je suis Julie, la sœur d'Isabelle. Salut Julie. Tu es Julien, non ? C'est ça. Où est Isabelle ? Elle est dans la salle de bain. Elle cherche Minnie. On cherche la souris ensemble ? D'accord. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Regarde Isabelle ! Hey, Minnie ! Tu aimes le repas d'Arthur, hein ? Pauvre Arthur !